Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François Lusignan, bienvenue à une autre émission, notre édition de l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Ce soir à l'émission, je vais avoir le grand plaisir d'avoir en entrevue et prestation acoustique David in the Woods ainsi que Félin. Ils seront en ma compagnie dans une dizaine de minutes, ils sont déjà arrivés, mais on va leur laisser le temps de s'installer. Côté gamme musicale, vous allez aussi entendre du Deer Hunter, Silver d'Apple et également les Jovialistes. On va débuter tout de suite avec Window Speak, un groupe de Chicago qui sont maintenant à Brooklyn. Ils sont vraiment pas le seul groupe à être maintenant à Brooklyn. C'est peut-être la même chose que certains groupes canadiens qui se déménagent ou qui déménagent à Montréal. Alors, on va entendre la chanson Half Awake. Ça sera suivi de Doug Day avec Scratches. Tout ça sur les ondes de CISM, c'est la marge. Thank you. Viv, How Long Have You Known, de leur album Ocean, qui occupe la 10e position du palmarès anglo de CISM cette semaine. Et juste avant, c'était Dog Day, Scratches, de l'album Deformer, sorti l'année dernière. Et maintenant, je le disais en début d'émission, je suis en compagnie maintenant de David and the Woods, qui est David Dugas-Dion. Salut. Salut. Et également de Félin, qui est Philippe Guérin. Salut Philippe. Bonjour, bonjour. Comment ça va les gars? Ça va très bien, toi? Comment vous voulez qu'on fonctionne? Je vous appelle par vos vrais noms ou par vos... David et Philippe, c'est ça? C'est ça, ça a bien du sens. Parfait. Alors, on va commencer avec toi, David. Actuellement, tu as une chanson qui est sur le palmarès de ton dernier album. Oui, oui, oui. Ensemble dans mes veines. Exact. Qui est sur ton dernier album, en fait, qui est sorti. Oui. Ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti. Ben en fait, je l'ai sorti sur Bandcamp au printemps 2011. C'est sorti en vinyle l'automne 2011. OK, donc ça prend un petit peu de temps, donc CSM se réveille et le faire jouer en rotation. On peut dire ça. OK. Et je voyais sur ton Bandcamp que tu as sorti aussi une autre chanson, il n'y a pas tellement longtemps. Ben en fait, ça c'est, je pense que tu fais allusion à David and the Mountain. C'est un projet plus expérimental. Que je fais un side project, si on veut. Ça a plus ou moins à voir avec David and the Woods. OK. Donc, les gens vont quand même pouvoir retrouver ça sur le même Bandcamp. Super. Et c'est un album aussi, hein, ton album, comment il s'appelle déjà? The Peace Den. The Peace Den, c'est ça, qui a reçu quand même un bon accueil quand il est sorti. Oui, quand même, des quelques bonnes critiques dans le voir et... Je me souviens plus quel autre. Je pense Bande à part a fait une bonne critique aussi. Cool. OK. Puis c'est un album qui mélange plusieurs styles quand on l'écoute. Ben en fait, oui, je te dirais qu'il y a le côté plus acoustique folk et le côté plus rock abrasif. Puis je voyais que tu as sorti... Ça, c'est pas ton premier album du tout, hein, cet album-là. Non, en fait, c'est le cinquième. Ça fait presque 10 ans que je fais ça, puis que je produis mes propres albums moi-même. Donc, les autres sont encore moins connus. Je voyais qu'il y avait des albums qui étaient sortis sur CDR. Ouais, ben c'est ça. En fait, je produis ça tout moi-même, donc j'avais pas le budget. Là. J'ai décidé d'y aller dans le vinyle cette fois-ci, et là, j'étais encore en train de payer ce que ça m'a coûté. Donc, ça va être peut-être en solde. Ben, en fait, j'ai hâte de... Ou ça va prendre la valeur, peut-être, dans les prochains mois. J'espère. Il y en a seulement 100 copies, là. OK. Donc... Je vais peut-être les mettre sur eBay. Donc, avis aux intéressés, c'est disponible en vinyle. Oui, il y en a dans tous les magasins, presque, à Montréal. Puis, évidemment, c'est via moi, c'est disponible. OK. Sinon, on demande au caissier David in the Woods, s'il vous plaît. Ouais. Super. Tous les petits magasins, il y en a. Cool. Donc, je suis aussi en compagnie de Félin, qui est Philippe Guérin. Exactement, oui. Donc, Félin, surnom que tu traînes depuis longtemps, Philippe? Ouais, ben mais c'est mes chums qui m'appelaient pas mal tout comme ça, fait que c'est resté. OK. Mais ça fait longtemps que, Et que les gens m'appellent même. Et pour les gens qui te suivent depuis un petit bout de temps, c'est un nouveau projet aussi, Félin? En fait, oui, solo, j'ai commencé fin de l'automne passé, en fait, parce que Dave m'a offert de jouer dans une de ses soirées qu'il organisait de show. Okay. Puis j'ai décidé d'écrire une couple de tunes pour ce spectacle-là. Puis finalement, après ça, ben, j'ai continué. OK, cool. J'ai continué à le faire tout seul. Mais depuis 7-8 mois à peu près. Puis c'est des chansons que tu écris en français aussi. Oui, exact, c'est ça. Quelque chose que tu avais déjà commencé dans le groupe Harvey, dans lequel tu étais. Oui, vers la fin avec Harvey. Enfin, je te dirais la dernière année et demie, là, en fait, ça s'était amorcé dans le processus d'enregistrement du deuxième album. On avait comme décidé à mi-chemin de l'enregistrement de passer vers le... Pas de passer vers le français, mais d'essayer d'écrire le français. Fait que ça s'était continué par après. Même lorsque l'album était sorti, on continue d'écrire en français sur des nouvelles tunes. Puis moi, depuis ce temps-là, j'ai pas réécrit en anglais. Non. Depuis deux ans et quelques, je sais pas. Puis pour toi, David, aussi, sur ton dernier album, portion des chansons qui sont en... C'est moitié-moitié. En français. Puis je pense que je vais toujours continuer à écrire des chansons en anglais, mais je retrouve une facilité dans le français que je pensais pas qu'il était possible. Je suis plus curieux d'écrire en français en ce moment. Ben, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'entrevue que c'est arrivé, que vous me disiez qu'il y a quand même plus de groupes intéressants. Ben, c'est aussi, ça, comme qu'on disait, il y a 10-15 ans, c'était difficile de s'approprier des groupes de la scène québécoise qui chantaient en français dans le genre de musique qu'on aime. C'était la scène plus britannique ou américaine qui nous intéressait. Aujourd'hui, des groupes indie rock québécois, il y en a. Puis pour vous, Philippe, toi, passage au folk. Là, David tournait aussi en folk, album folk aussi. Ben, moi, de mon côté, en fait, passage au folk, comparativement à mon ancien projet, oui, sauf que c'est ce que je fais majoritairement depuis, mettons, 20 ans d'années là, que je joue de la guitare. Mm-hmm. Je passe peut-être 95% de mon temps à jouer de la guitare acoustique puis à écrire en acoustique. Okay. Puis un 5% électrique. Puis c'était juste normal que tout seul... En plus, c'est plus simple. T'as moins de stock à amener, puis, mm-hmm. puis moins de guitare. Autour d'un feu, c'est plus simple aussi. Oui, mm-hmm. oui, beaucoup. Un drum à côté d'un feu, c'est pas pratique. Non. Et là, ben là, je parlais, j'ai comme un petit peu annoncé ça. Vous avez sorti aussi au début du mois de juillet ensemble, hein, une session d'enregistrement. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, là, comme ça s'est passé? En fait, dans le fond, là, pour introduire ça un peu, justement, Philippe m'a fait écouter ses chansons. Il a fait un spectacle avec moi. Ouais, l'année passée. Moi, je me suis ramassé aussi. David in the Woods, c'était full band, voilà un an. Mm-hmm. Il y en a qui sont partis. Donc, j'ai décidé de continuer seul. Puis là, ben. Mais tu l'avais déjà fait, par exemple. Ouais, mais tu sais, c'est pas ce que je pensais faire. Okay. Sauf que là, on joue ensemble, on aime nos chansons. J'aime les chansons à Philippe, il aime les miennes. Bon. On s'est dit, on peut s'accompagner, on peut apporter quelque chose l'un à l'autre. Mm-hmm. Puis nos voix aussi, je trouve, ça mélange bien. Non, ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Ouais. On avait déjà eu des petits projets ici et là qui étaient c'est plus sérieux. C'est ça, il a participé sur mes albums un peu. J'ai joué avec Harvey quelques fois en spectacle. OK. Puis plus là, des collaborations. Non, c'est ça, exact. Puis là, finalement, on s'est dit, tu sais, pourquoi pas enregistrer comme 8 de nos chansons préférées. Puis de toute façon, ça va être bon pour la promotion parce que... Parce qu'on part en tournée, donc on veut avoir quelque chose à vendre, au moins pouvoir payer notre gaz. Mm-hmm. Donc là, tu t'en parles, là, vous partez en tournée donc, dans les prochains jours, hein, c'est ça? En fait, si on peut dire... Dans deux semaines, je pense. Ouais, ben, disons que la première date de la tournée est considérée est demain soir à Montréal, mais on part vraiment sur la route à partir du 3 août. OK. Mm. En formule duo? En formule duo, avec un helper. OK. C'est vrai. Chauffeur, OK. Non, c'est moi le chauffeur. OK. Ça a l'air de quoi, là, vos dates, là, pour donner un petit aperçu? Ben là, on a tout booké ça nous-mêmes à dernière minute, fait que c'est un peu bric-à-brac, mais on fait un petit spectacle à Ottawa dans un sous-sol. Ensuite, on joue à Sherbrooke à l'Antiquarius, Magog Café Saint-Michel après ça. On devrait jouer, on a une petite performance à Chiz. Vos compétiteurs. Non, non. Ensuite, rapidement, à Tadoussac, au Gibar, Chicoutimi, au... j'oublie. OK. Il faut aller voir ça sur votre... Tout est là. Au bar à Piton. Exactement, c'est ça. OK. Ça risque d'être des performances assez uniques, hein, dans des endroits, des fois, un petit peu... on ne sait pas s'il va y avoir du monde, mais on va... Ben, le but, c'était un peu ça aussi. Tu sais, nous, on tombait en vacances les deux, puisqu'on est dans le travail. Maintenant, la vie, le musicien, c'est plus ce que c'était, là. Ben, en fait, c'est encore ce que c'était. Mais là, on travaille les deux, fait qu'on a dit on profitait de ce moment-là qu'on venait d'enregistrer la petite session live pour... aller faire une couple de dates comme ça. Puis Dave, il a pris pas mal de son temps pour justement appeler puis réussir à avoir des dates. C'est le fun. Puis le Québec, c'est beau, c'est le fun. Oui. Moi, je suis jamais allé à Tadoussac, je suis jamais allé à Chicoutimi. C'est un mariage de plaisir puis de musique, en fait. Faire découvrir vos chansons. Puis de Québec. Tu me demandes en mariage? Non, pas vraiment. À Tadoussac, c'est ça. À Tadoussac. Et vous êtes tous les deux de Valleyfield, je me trompe pas, hein? Oui, c'est exact. Philippe et... Ouais. Ben moi, j'habite encore. Et David, OK. Ouais. Parce que je vous parle de ça parce que FCSM étant un des présentateurs, on présentait quelques spectacles du Festival Artefact, qui était exemple sa première année. Puis David in the Woods aussi. On a joué ensemble. En fait, on a joué ensemble. C'est le spectacle qu'on a donné, notre premier vrai spectacle ensemble. OK. Ouais. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion, peut-être, de ça? C'était la première année de ce festival-là, dans une ville où il se passe. C'est sûr que nous, c'était un petit peu difficile d'être... De mal de parler contre parce c'est que, c'est une super bonne expérience. Puis, deuxièmement, les organisateurs sont des très, très bons amis à David et moi. Mais malgré tout, très grand succès. Vraiment une belle fin de semaine. Puis, on a hâte à l'année prochaine. Je veux pas avancer. Je pense qu'ils ont déjà confirmé qu'il y avait une prochaine édition. Là. Ouais. OK. Mais. C'est pas facile, une première année. Hein. Non. La température est pas en plus, il est mouillé. Il n'y a pas mouillé. C'est ça. Fait. Mais non, un beau professionnalisme, band qui était là, diversité, organisation, tout ça, c'était génial. Okay. Ça va contribuer peut-être à la diversité culturelle de Valleyfield. Qui en a fort besoin. Hormis les régates, ça va faire du bien d'élargir. Deux courses de bateau, deux, trois bands. D'autres bands qu'Éric Lapointe. C'est ça. Ah, Éric. Toujours une histoire d'amour avec Valleyfield. Super. Bon, les gars, vous avez amené vos guitares avec vous. Ouais. Ce que je propose, on va écouter une chanson de David in the Woods, Supergirl, sur le dernier album de Peace Den, qu'on invite les auditeurs à aller écouter, télécharger, en échange d'une contribution. Bah, ils peuvent le faire gratuitement aussi. Aussi, OK. C'est libre, libre à eux. On écoute ça, puis après ça, on va vous écouter performer chacun une chanson. Merci beaucoup. Donc, à tout de suite. Merci. David in the Woods, Supergirl, de son album The Peace Then. Et heureux hasard, j'ai justement avec moi David in the Woods et Félin qui sont en studio. On va commencer avec une chanson de Félin, une chanson qui s'appelle, vas-y Philippe. Le jour de mes nuits. Jour de mes nuits, c'est à vous. Prends-moi dans tes bras pour mieux t'embrasser. passé. Zemmour de tes bras m'y accrocher, approcher comme un amant dans tes bras pour mieux t'embrasser. Mon Dieu, que j'abandonne mes plaintes, que mon univers se mêle à ta lumière. Et sur l'enseigne on lisait la lettre de vieux refrain. Tu étais jour de mes nuits. C'était Félin avec la chanson. Vas-y Philippe, c'était la chanson de Félin. Le jour de... Excuse-moi, j'ai des petits blancs de mémoire des fois. Très, très bonne. Merci, Philippe. On va maintenant entendre une chanson de David and the Woods. Je vous laisse le temps de vous installer. Et je vous rappelle que David and the Woods et Félin commencent demain une tournée de plusieurs dates au Québec. Ils partent avec leur guitare et un troisième acolyte qui va les suivre dans plusieurs dates, entre autres Tadoussac. On a parlé tout à l'heure de Magog, je crois. En tout cas, vous allez voir. Magog, Sherbrooke. Québec. Vous allez voir ça sur leur site Bandcamp pour écouter et Facebook pour voir les dates. Exact. Alors, prochaine chanson de David and the Woods, ça s'appelle comment? The Morning. OK, ben c'est à vous. Allez-y, les gars. Merci. Alors, deux chansons qui se retrouvent sur votre session live enregistrée un peu plus tôt cet été. Disponible, comme on disait tout à l'heure, gratuitement sur Bandcamp. Oui, il va avoir un CD aussi. Super, en vente pendant les spectacles. Oui, on va vendre ça au coût de 5 belles piastres. OK. Question de payer le gaz, comme disait David tantôt. Ben oui, j'avais le goût de vous demander aussi, qu'est-ce qui se passe d'autre? Y a-t-il d'autres choses qui se pourraient s'en venir avec vos projets? Félin, David in the Woods, de prévu? Ben, comme je disais, en fait, je disais avant l'entrevue que j'avais... C'est ça l'affaire qu'on jase avant. Hein? C'est ça. Jamais. Que j'avais déjà pratiquement tout mon matériel pour un nouvel album. Je pense que c'est la même chose pour Philippe aussi. Ouais, ben moi de mon côté, c'est ça. En fait, j'ai jamais enregistré tout seul à part avec Dave pour les quatre chansons qu'on a faites, les quatre miennes puis les quatre siennes, qu'on a faites de façon en collaboration. Ouais, oui. Fait que dans les prochains 5-6 mois, ça serait de commencer à enregistrer mon album solo, peut-être 10-15 chansons, là, quelque chose comme ça. Pour qu'éventuellement, peut-être d'ici à la fin de l'année, ça sorte. Pour qu'éventuellement, tu puisses aussi te libérer de David. Parce qu'il y a en fait, il y a une grosse compétition. C'est le premier qui va sortir l'album. Puis, ça risque d'être lui parce qu'il sait déjà comment pas mal manier les micros et tout ça. Là. Le premier moi, j'en suis à mes premiers pas. Super. Donc, nouveau matériel à venir. Oui, nouveau matériel. Sinon, à part ça, moi, ben, le groupe Harvey n'existe plus depuis l'année passée. Donc, je suis pas mal, dans le fond, là-dedans, avec David. Dédié. Dédié là-dedans, puis mes chansons. Dave, je sais pas si... Autre chose que tu voulais parler? Ben, en fait, il y a peut-être des gens qui savent que je suis dans Crab aussi. Ça a plus ou moins rapport musicalement. C'est vraiment pas le même genre de musique, mais on est en train de monter un nouvel album là aussi. C'est un groupe un peu plus difficile, hein, peut-être, à aborder, on oui, pourrait dire. Oui, un peu plus, beaucoup, ouais. Plus complexe. Ouais. Plus lourd aussi. Mais c'est pas moi qui écris dans ce groupe-là. Je fais juste jouer de la batterie. Donc, c'est pas le même, la même créativité, si on veut. OK, super. Donc, on va suivre ça. Et sinon, on vous souhaite une bonne tournée. Merci. Mais merci à toi. Donc, et bonne fin d'été. À toi aussi. Merci de passer à CISM. Ouais. Merci encore à CISM. Super. Donc, on va écouter tout de suite les Jovialistes avec Pas à Verdun. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. J'ai pas, j'ferai ça demain. Y'a une pile de linge sur mon plancher. Laisse-les là, j'ferai ça le mois prochain. Allez, viens, prends ma main. Nous irons loin, mais pas. Silver Dapple avec One Two qui se retrouve sur leur excellent album English Girlfriend. Et juste avant, c'était les Jovialistes avec Pas Verdun qui est la 21e position du palmarès franco de CISM. Et les gars de David and the Woods et Félin me souhaitaient absolument que je dise que demain ils sont en spectacle au Bistrot de Paris autour de 21h, c'est ça, hein, avec Massicotte également qui sera là, donc c'est à pas de manquer. Et si vous voulez justement réécouter la prestation qu'ils ont fait ce soir, vous allez pouvoir vous rendre vers 8h sur le site de CISM dans la section grille horaire et vous allez pouvoir télécharger l'émission de ce soir avec la prestation et entrevue avec David and the Woods et Félin. Voilà qui est dit. On va poursuivre avec, en fait, je vais vous donner l'adresse, hein, csm893.ca, vous la connaissez. On va poursuivre avec un trio montréalais qui s'appelle Ressac, leur chanson Le Saut. Ça suivi tout de suite après avec Deer Hunter Agoraphobia. C'est toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. À tout de suite. Come for me, come for me, come. C'était la formation Fear of Man avec Born. Fear of Man sont une formation anglaise. Ils existent seulement depuis l'année dernière. Ils ont quand même sorti un 7 pouces en juin dernier sur lequel il y avait la chanson que vous avez entendue. 7 pouces, quant à lui, s'appelle Great Sea. Et c'est du nom de l'autre chanson qui se trouve sur le 7 pouces. Et plus tôt cette année, Fear of Man a fait la première partie de Best Coast, un groupe là, qui est très important pour eux en tout cas, puisque c'est à un de leurs concerts que les membres du groupe Fear of Man se sont rencontrés. Donc j'imagine que c'était un petit peu peut-être un rêve hein, de faire la première partie d'un groupe qu'ils aimaient vraiment beaucoup. Et on est pas mal rendu à la fin de l'émission de ce soir. On a quand même le temps d'écouter une chanson que je devais vous faire jouer plus tôt dans l'émission. J'ai refait jouer deux fois du Silver Dapple. C'était la chanson 2x2 que vous avez entendue avant Deer Hunter et la chanson Agoraphobia. C'était conclu donc le dernier bloc avec Fear of Man. Donc on va écouter tout de suite du Ressac, la chanson Le Saut. Et on va se reparler tout de suite après pour la conclusion. À tout de suite. Toujours sur l'écoute, sur les ondes de CISM, c'est ça.